Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. De nombreux auditeurs souhaitaient que Franck Ferrand consacre une émission au Québec et à son histoire. Ils vont être comblés cet après-midi puisque l'invité d'Au cœur de l'histoire est l'auteur du dictionnaire amoureux du Québec, Denise Bombardier. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. En effet, nos auditeurs sont assez nombreux qui ont demandé qu'on parle du Québec. Laurent, José, Romain, Marie-Soleil, Anne-Laure, c'est joli ça. Anne-Laure, Camille, Marc, j'espère n'avoir oublié personne. Alors, je suis très heureux que Denise Bombardier ait accepté notre invitation. Elle est avec nous pour nous guider dans cette nouvelle France et dans ce qu'elle est devenue, évidemment. Nous allons commencer par suivre Jacques Cartier dans ses explorations, si vous voulez. Et puis après ça, nous en viendrons à une histoire plus récente et peut-être un peu moins mythique du Québec et des Québécois. Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Franck, un homonyme, et oui, sur l'origine des formats de papier à 3, à 4, à 5, etc. Mais voilà une question qui nous concerne tous, à des titres divers. Pour le moment, nous allons donc traverser l'océan à la rencontre de nos cousins d'Amérique. J'en profite pour saluer tous nos auditeurs qui, grâce à Internet et au téléchargement, nous écoutent depuis le Québec. Je sais qu'ils sont vraiment très nombreux et je les remercie de leur fidélité. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Connaissez-vous Saint-Malo? J'espère pour vous que vous pouvez répondre oui, même si la ville, évidemment, a été massacrée, reconstruite et qu'elle ne ressemble plus vraiment à ce qu'elle a pu être. Ville proue, nous dit Florica Dulmay, ancrée dans l'océan, elle se sent invulnérable grâce à l'héroïsme de ses marins, à la quiétude, la sécurité qui lui inspire son château fort à quatre tours, ses maisons de granit, ses murailles percées de trois portes. Cette ville, c'est vrai, a été le point de départ d'un grand nombre de nos explorateurs. C'est là que va naître le petit Jacques Cartier qui vit dans un univers complètement marin. La mer, la pêche, nous dit sa biographe. L'humble héroïsme, cette trilogie berce l'adolescence de Jacques Cartier. Mousse, matelot, il apprendra auprès de son père le métier de marin et de pêcheur et va s'initier sur le tas au secret de la route transmise de génération en génération. Une route qui très souvent mène les marins très haut sur le globe, si je puis dire, et très loin aux abords de Terre-Neuve où l'on pêche la morue, bien entendu. Saint-Malo est non seulement une ville propice à l'appel du large, mais c'est la ville où il faut être lorsqu'on entend maîtriser les éléments de la navigation, qui sont à l'époque évidemment très très peu répandus. N'oubliez pas que je vous parle là de la première moitié du XVIe siècle. En fait, Jacques Cartier est né même en 1491. 1491, bon, c'est le moment du mariage de Charles VII avec Anne de Bretagne, d'une part, mais c'est aussi la veille, si je puis dire, de la découverte du continent américain. Vous voyez qu'on est dans ce moment extraordinaire de bouillonnement, un bouillonnement où surnage très nettement les Espagnols et les Portugais. Ils ont fait main basse depuis longtemps sur toute l'Amérique du Sud, ce qui leur dégage la route des Indes. Alors bon, je ne vais pas vous citer tous les grands explorateurs, hein, de Christophe Colomb à Magellan et Cortés et Vasco de Gama, etc. Les Espagnols, les Portugais, avec la complicité du pape, c'est le traité de Tordesillas, se sont en quelque sorte partagé le Nouveau Monde, mais sans nous, si je puis dire. La France n'y a pour le moment aucune possession. Et pourtant, les Français, un certain nombre d'Italiens, je pense aux Génois notamment, les Anglais également, même s'ils sont moins puissants encore à l'époque, aimeraient bien, eux aussi, mettre un pied sur ce continent, plutôt vers le nord. Encore une fois, le sud est totalement pris par les Espagnols et par les Portugais. Le but, comprenez-le bien, au-delà de la conquête territoriale, le but à l'époque, c'est de s'ouvrir des voies. Hein. On est vraiment dans la recherche de routes maritimes et commerciales, bien entendu. Alors, le jeune Jacques Cartier va rêver, il va grandir dans cet espoir-là. Il faut imaginer un gamin très intelligent, très malin, tenace, avec une énorme ambition, qui en a assez de pêcher la morue comme son père et son grand-père avant lui, et qui a envie de partir loin, et d'autant plus que ils sont là sur le port de Saint-Malo, ses patrons espagnols et portugais qui pourraient l'emmener avec eux et qui ont l'habitude de recruter leurs équipages parmi les malouins du port. Jacques va choisir de s'embarquer sur un navire portugais. C'est une belle aventure d'ailleurs et qu'il faudrait raconter dans le détail. Il va revenir de là plein de savoir et il a appris la navigation, il a appris à lire et à écrire, à parler le portugais, ça évidemment. Surtout, il a découvert de tout nouveaux horizons et quand il rentre, alors c'est avec des rêves plein la tête. Mais l'aventurier qui sommeille en lui se dit qu'il serait bon de monter une véritable expédition. Alors ça suppose de réunir les fonds, de réunir les soutiens nécessaires. En 1520, il faut vous dire, 1520, il a donc 28 ans. Il épouse Catherine Desgranges, qui est la fille d'un notable malouin, avec, quand je dis notable, en plus un homme qui possède des fonds très importants, ce qui va permettre assez vite à Jacques d'acquérir son propre navire. Il sera bientôt pilote, maître de navire, et fort de ce titre, fort aussi des capitaux qu'il a pu accumuler, Jacques Cartier va monter une expédition dont le but est le Brésil, son but étant toujours d'établir des comptoirs commerciaux. Évidemment, c'est un échec. En rade de Bahia, les Portugais plus nombreux, mieux armés, vont littéralement massacrer les Français. Jacques Cartier réussit à sauver son bateau. De justesse, il échappe au carnage et quand il rentre, il est en triste état. Qu'à cela ne tienne, le voilà parti pour une seconde expédition. On est en 1524, c'est de nouveau un échec avec Verrazzano, c'est le célèbre aventurier, le Florentin. Cartier part pour le Cathay, c'est-à-dire pour la Chine à l'époque, à bord d'une caravelle, la Dauphine. Mais face aux autochtones armés de flèches, il lui a fallu rebrousser chemin. Il revient donc de nouveau à Saint-Malo, frustré, toujours prêt à repartir, en fait, il est persuadé qu'il existe un passage par le nord en direction de l'Asie. Par le sud, on le sait déjà, très difficile, mais existant. Là, le but, ce serait de contourner le continent par le nord. Il connaît toutes les manœuvres et tous les vents, nous dit Florica Dulmay, et il sait manier aussi bien les cartes que ses compas, sa boussole que ses plombs à sonder. Désormais, Jacques Cartier a besoin surtout d'un soutien, ce serait le soutien du roi de France. Il se trouve qu'il peut entrer en contact avec un certain Jean Leveneur, qui est un évêque local et qui connaît bien le roi François Ier parce qu'il l'a sauvé une dizaine d'années plus tôt. Figurez-vous que c'est lui qui a révélé à la cour l'existence de cette conspiration autour du connétable de Bourbon, ce qui donne à Jean Leveneur une assise, un poids considérable à la cour. C'est grâce à lui et par l'intermédiaire de l'amiral Philippe Chabot de Brion, un ami, un proche de François Ier qui a été élevé avec lui, c'est par eux que Cartier va enfin entrer en contact avec François Ier. La rencontre a lieu au Mont-Saint-Michel en 1532 et d'emblée, Jacques Cartier reçoit la permission d'armer des navires, je cite, de mission royale, pour voyager, découvrir et conquérir à Neuve-France, comme on écrivait si bien à l'époque, ainsi que trouver par le nord passage du Cathay. Les voilà partis, alors il faut vous imaginer ce que c'est, il faut réunir les navires, deux grands navires qui sont achetés à grands frais, entièrement équipés, ravitaillés, radoubés, etc. Et le 20 avril 1534, le Triton et le Goéland, ce sont leurs noms, vont quitter Saint-Malo avec 60 hommes d'équipage. Devant eux, l'Atlantique, ils n'ont évidemment aucune idée du pays qui les attend de l'autre côté. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Dans la blanche cérémonie où la neige au vent se marie, dans ce pays de poudrerie, mon père a fait bâtir maison. Et je m'en vais être fidèle à sa manière, à son modèle. La chambre d'amis sera-t-elle quand viendra les autres saisons pour se bâtir à côté d'elle. Gilles Vigneault sur Europe 1 avec un extrait de Mon pays. Dans un court instant sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'explorateur Jacques Cartier. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Retour avec vous, Franck Ferrand, au voyage de Jacques Cartier. Alors Jacques Cartier a devant lui maintenant les premières terres. On peut dire que Terre-Neuve est en vue. Il va contourner Terre-Neuve par le nord, via le détroit de Belle-Île. Et puis il découvre la côte occidentale. Hein. Il progresse comme ça peu à peu vers le sud, au milieu de... Il faut imaginer hein, ce que peut être la mer locale et les glaces. Et Cartier aborde bientôt l'île aux oiseaux, qui est couverte de pingouins, je cite, « noirs et blancs, le bec comme un corbin, avec de petites ailes comme la moitié d'une main, on mange du pingouin, on mange des morues bien entendu, et même un ours blanc grand comme une vache », nous dit-il. Il faut imaginer ce que ça devait être pour les explorateurs de l'époque que de découvrir comme ça des espèces totalement inattendues et ce nouveau territoire et ce nouveau paysage. C'est la découverte du Labrador bientôt, une terre que Cartier qualifie de « terre que Dieu donna à Caïn à cause de sa végétation, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle est plutôt maigre ». Mais le Labrador est d'aspect plutôt rébarbatif, nous dit Florica Dulmet. Sévérité excessive, jugement hâtif, la mer est poissonneuse, la terre offre d'immenses espaces propices aux chasses. D'ailleurs, les Esquimaux venus de loin pêchent des loups de mer sur les côtes montés sur des canots en bois de bouleau. Et puis, on est là au mois de juin 1534, Cartier va découvrir les îles des Margaux. Il est subjugué par le paysage de beaux arbres, prairies, champs de blé sauvages, nous dit-il, et pois en fleurs, aussi esprits qu'en Bretagne, avec force groisilliers, fraisiers et roses de Provins, persil et autres bonnes herbes de grande odeur. Un arpent d'Icelle vaut mieux que toute Terre-Neuve. Ah, c'est une langue bien savoureuse. Les premiers contacts avec les Amérindiens seront peut-être le choc. En tout cas, la surprise la plus étonnante pour nos voyageurs. On constate que les autochtones font de la pêche, ils sont vêtus de peau de bête, ils portent leurs cheveux, je cite, « liés sur la tête en façon d'une poignée de foin tressé ». Alors ils sont plutôt accueillants, les uns offrent des vêtements, des peaux, d'autres des couteaux. Le 24 juillet 1534, sur le site actuel de Gaspé, notre Jacques Cartier va planter la célèbre croix dont nous aurons l'occasion de reparler dans un instant avec mon invité. Elle a fait, bien entendu, elle a semé le trouble, cette croix posée là, très importante, hein, 30 pieds de hauteur, au nom du roi de France, bien entendu. Cartier distribue ce qu'il a, des couteaux, des clochettes d'étain aux Iroquois. Et puis, le capitaine des sauvages de Gaspésie, affublé d'une vieille peau d'ours noir et escorté de trois de ses fils et de son frère, va haranguer Jacques Cartier dans une langue qui, pour eux, évidemment, est encore parfaitement incompréhensible. Il accepte en échange une hache et lui donne une fourrure. Alors, deux des fils de ce chef, qui s'appellent Domagaya et Tainioani, vont partir avec Cartier. Ils vont s'embarquer et ça, ce sera une des grandes surprises de la population de l'époque. Il faut aller lire dans Montaigne, notamment, comment ils ont été accueillis à la cour. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. C'est bientôt le temps des ouragans. Il est grand temps de reprendre la mer. Cartier revient à Saint-Malo le 5 septembre 1534, donc après 137 jours d'un voyage dont le bilan est assez mitigé, somme toute. Cartier rapporte avec lui un certain nombre de relevés côtiers, des sondages des fonds. Il n'a pas atteint encore le Saint-Laurent à l'époque. Et à la cour, on va présenter les deux sauvages, comme on dit, les sauvages, comme on disait à l'époque. On va les présenter au roi. Et ce sont eux qui vont parler, parce que peu à peu, bien entendu, ils s'acclimatent, ils parlent de mieux en mieux le français. Ils vont parler à François Ier d'un royaume riche en mines de cuivre, en pierres précieuses. Ça, c'est une promesse évidemment bien alléchante pour la cour de France. Et si François Ier, disons-le, n'a pas l'âme d'un géographe, il faut dire que l'époque ne s'y prête guère, il a en revanche absolument celle d'un aventurier, en tout cas dès qu'il est question de pierres précieuses et d'or et d'argent. Il aimerait bien qu'il lui arrive la même chose qu'au roi d'Espagne, vous imaginez, remplir ses coffres de métaux précieux, ce serait extraordinaire. Et c'est comme cela et c'est pour cela que Cartier va donc repartir au printemps suivant, le 16 mai 1535. Il repart avec trois navires cette fois, la Grande Hermine, la Petite Hermine et l'Émerillon. 120 marins, 40 arquebusiers, 10 maîtres de mer, 6 ouvriers, 2 apothicaires. Il y a même 3 barbiers, les barbiers qui sont un peu les chirurgiens aussi de l'époque, vous savez, et un médecin. Tout ce monde, avec bien sûr nos deux Indiens qui maintenant parlent un français impeccable et vont pouvoir servir, comme on disait alors, de truchement, c'est-à-dire d'interprète. pendant la traversée, il y a une terrible tempête qui va disperser les navires. Ça, c'est une traversée vraiment dure. Hein. Se termine assez mal. Cartier remonte le détroit de Saint-Pierre, dont l'eau est saumâtre. Et pour cause, il croit, lui, que c'est un détroit. Il l'a ainsi nommé. Mais c'est pas un détroit du tout. Il est tout bêtement dans l'embouchure du Saint-Laurent, du fleuve. Et il s'en rend compte au bout d'un moment. Il va baptiser le fleuve Saint-Laurent le 10 août 1535. Il ne s'est pas tellement fatigué pour lui donner ce nom-là, puisque le 10 août, c'est le jour de la Saint-Laurent, n'est-ce pas ? Quelques semaines plus tard, le 7 septembre, la Grande Hermine va jeter l'ancre devant le village de Stadaconé. On est à l'emplacement de l'actuelle ville de Québec. Le chef de ce village, Donnacona, réserve à Cartier et à ses hommes un accueil tout à fait chaleureux. Donnacona veut conserver le monopole sur les transactions avec les différents visiteurs. Évidemment, il demande à Cartier de ne pas s'aventurer plus loin. Est-ce que Cartier va accepter une telle demande ? Évidemment pas. Il n'a qu'une idée, lui. C'est au contraire aller de plus en plus loin. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission, nous envoyer vos messages et vos questions par mail sur europe1.fr, sur la page Facebook de l'émission et sur Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH. La suite des aventures de l'explorateur Jacques Cartier, c'est dans un instant avec vous, Franck Ferrand, sur Europe 1. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Revenons avec vous, Franck Ferrand, à notre explorateur Jacques Cartier et à son deuxième voyage. Alors vous l'imaginez là, au milieu des forêts de chênes, d'ormes, de châtaigniers, de pins balsamiques, des prairies, des vignes. On trouve pas mal d'animaux, évidemment, des rennes, des renards, des élans. Évidemment, des castors, n'en parlons même pas, et des bisons aussi. Cartier va faire construire un fort qui s'appelle le fort Sainte-Croix. C'est à ce moment-là qu'il se met à fumer aussi. Il y a tout un passage où il raconte ça, c'est assez étonnant. Et puis, l'Émerillon continue, malgré ce qu'avait demandé Donnacona, il va remonter le fleuve Saint-Laurent. Il est bloqué dans un lac parce que les eaux ne sont pas assez profondes. Qu'importe, Jacques Cartier décide de continuer la navigation avec des chaloupes puisqu'il y a pas assez de, il y a trop de tirants d'eau. Trois jours après, Jacques Cartier et son équipage atteignent la ville d'Hochelaga. Alors ça, c'est la future Montréal, évidemment. Terre labourée et belle, nous dit-il, grande champagne, pleine de blé de leur terre, qui est comme mille au Brésil, gros comme pois. Au milieu d'Issel, Champagne, est située la ville d'Hochelaga, près et jouxtant une montagne qui est alentour d'Issel labourée et fort fertile, de dessus laquelle on voit fort loin, nous nommâmes cette ville Mont-Royal. Vous voyez d'où vient le nom, c'est tout de suite, hein, ça a été d'emblée nommé ainsi. On est toujours à la recherche évidemment du fameux pays de Saguenay, de ses mines d'or, de ses trésors. Donc on continue. Problème, c'est que l'hiver finit par arriver. Vous savez que l'hiver est très très long hein, là-bas. Ça dure de novembre et encore de novembre à avril. Et Cartier écrit « Nous avons été continuellement enfermés dans les glaces, lesquelles avaient plus de 2 brasses d'épaisseur et sur la terre, il y avait la hauteur de plus de 4 pieds de neige, tellement qu'elle était plus haute que les bords de nos navires, en sorte que nos breuvages étaient tous gelés dans nos futailles. » C'est difficile, c'est des conditions extrêmement dures. Le scorbut va s'en mêler. Bientôt, il ne reste plus des 3 équipages que 20 Français. Et heureusement, grâce à une décoction de feuilles d'un arbre appelé Aneda, du cèdre blanc, une série de guérisons miraculeuses se produisent dans l'équipage. En avril 1536, la route peut reprendre. Le 3 mai, au moment de la fête de la Sainte-Croix, on va poser, ériger une nouvelle grande croix, haute celle-là de 35 pieds, pour indiquer non seulement la présence, mais la suprématie, en quelque sorte la victoire française sur ces terres. Il est néanmoins temps de rentrer et Cartier et ses hommes, en tout cas ceux qui restent, car vous avez compris que les dégâts là sont vraiment très nombreux, vont poser le pied à Saint-Malo le 16 juillet 1536. Alors, ça a été un voyage qui a été particulièrement dur. On rentre quand même avec les 2 petits sauvages, comme on disait à l'époque. On disait même pas encore indiens à l'époque, qui, de la première fois, plus Donnacona qui accompagne le voyage et qui va convaincre de nouveau la cour et François Ier en particulier de son incroyable lâcheté d'une certaine manière. On lui fait comprendre qu'il n'est pas capable de mettre les moyens nécessaires à la découverte de ce qui pourrait devenir pour la France une véritable Golconde, un pays d'une richesse inouïe. Et donc, François Ier va se laisser fléchir. Il le fait, et je l'ai dit dans l'ouvrage que je viens d'écrire à ce sujet, il le fait sans grande conviction, mais enfin tout de même, il se dit qu'après tout, si l'on peut gagner quelque chose, c'est mieux que rien. Et donc, il va confier l'entreprise à un certain seigneur Jean-François de la Roque de Roberval. Ça ne fait pas plaisir à Cartier du tout, parce qu'il a l'impression d'être dépossédé de sa conquête. Le but, c'est d'aller chercher l'or, les rubis, les diamants de Saguenay, évidemment. Roberval demande à Cartier d'établir une colonie de peuplement sur les bords du Saint-Laurent. Et alors là, on se lance dans la troisième expédition Cartier, cinquième voyage, troisième expédition en Amérique du Nord, avec cette fois des moyens considérables. On a monté un ravitaillement énorme sur des gabarres qui vont accompagner le convoi. 1500 hommes, dont, disons-le, un certain nombre, même pas mal, de repris de justice, du bétail, des vaches, des chevaux, des moutons, bref, une arche de Noé qui prend la mer le 23 mai 1541. La traversée se passe extrêmement mal. Après 3 mois de mer déchaînée, de courants contraires, etc., l'équipage atteint enfin la rivière Sainte-Croix, puis Hochelaga, où on fait construire en août 1541 le fameux fort de Charlebourg-Royal. On commence à faire des découvertes, et notamment on apporte à Cartier des pépites, enfin ce qu'il croit être tel, de l'or, on lui parle de diamants, etc. Mais l'hiver est là de nouveau. 35 hommes en plus ont été tués par des Indiens, par des autochtones, devrais-je dire, dans une embuscade. Roberval, qui lui est parti beaucoup plus tard, attend Cartier à Terre-Neuve. Il n'a pas compris qu'en fait Cartier, lui, est déjà sur place. Et ce qui va se passer, c'est que les deux hommes vont bientôt se croiser. Il y en a un qui est parti à l'assaut de ce nouveau territoire, et l'autre qui a déjà plié bagage et qui est déjà en route pour la France. Jacques Cartier estime qu'il n'y a plus rien à faire sur ces territoires hostiles à tout point de vue, et pour le climat et pour les populations. Il estime qu'il en a fait le tour d'une certaine manière. Il va donc rentrer, lui, en France. Roberval va continuer son chemin. Pourquoi ? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Bonjour Denise Bombardier. Nous allons revenir sur cette histoire fondamentale et fondatrice. Et puis, avec vous, bien entendu, nous allons évoquer d'une façon beaucoup plus générale toute l'histoire, tout le folklore, toutes les traditions, toute la culture du Québec. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Dans les rues de Québec, par temps gris, par temps sec, je m'en vais naisonnant, cœur joyeux, en rêvant. Bien des gens me sourient en pensant à Paris. Moi j'ouvre un large bec pour sourire à Québec. Au loin, le Saint-Laurent roule ses flots. Charles Trenet sur Europe 1, un extrait de son titre Dans les rues de Québec, car c'est bien le Québec qui est au cœur de l'histoire cet après-midi. Vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité Denise Bombardier, journaliste et écrivain, auteur du Dictionnaire amoureux du Québec aux éditions Plon. Alors c'est extraordinaire parce que très nombreux étaient nos auditeurs qui souhaitaient entendre parler du Québec. Avant l'émission, sur Facebook, sur Twitter, les petits messages pleuvaient, oui, voilà. Et là, nous avons énormément de messages d'auditeurs qui accompagnent cette émission. Donc voilà un sujet très populaire, Denise Bombardier. Ça ne vous surprend pas, j'espère. Même un peu, parce que les Québécois ont été à la mode dans les années, après le général de Gaulle. Oui, disons, bien sûr, hein, après 67. On est devenus très à la mode. Et après, on a été remplacés par d'autres minorités plus exotiques. Mais je dois dire, je sais bien qu'il y a un capital d'affection très grand. Et en plus, on est d'ici. Nous sommes la seule branche de France à avoir pris racine ailleurs, c'est donc ça qui est en incroyable. Amérique du Nord, c'est et c'est ça. Ce que vous montrez vraiment très bien dans ce dictionnaire amoureux. Alors, à propos de Jacques Cartier, vous nous racontez comment, lorsque vous étiez à l'école, les bonnes sœurs vous racontaient son histoire, mais un peu à la manière d'un catéchisme. Elles ne se souciaient pas vraiment de vérité historique, et plutôt de légendes et de mythes. Et vous nous dites, j'ai aimé Jacques Cartier comme on aime un grand-père qu'on n'a pas connu. Son portrait me plaisait. Il dégageait de la force, du courage, de la noblesse et de la gentillesse, puisqu'il s'était fait l'ami des Iroquois, dont le chef était Donnacona. Mais c'est vrai qu'il faut bien comprendre que dans la période de la catholicité galopante, je l'ai appelée comme ça, dans la période de l'eau bénite, puisque mon premier roman s'appelle Une enfance à l'eau bénite, c'est vrai que l'histoire... On reviendra sur ça tout à l'heure, c'est fondamental. Mais, oui, mais l'histoire nous est... En fait, l'histoire nous est enseignée, c'était l'histoire sainte. Donc, les découvreurs, c'était forcément des gens extrêmement pieux et qui venaient ici pour apporter la bonne parole, qui étaient des hommes de foi. Évidemment, quand on relit ça dans la réalité historique, c'est tout à fait autre chose, et surtout de la part de Champlain, puisque Champlain... Alors maintenant... voilà, ça c'est l'autre, c'est le vrai découvreur, oui, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on parle toujours de Jacques Cartier parce qu'il a l'antériorité, oui. C'est le premier à mettre un pied, c'est en quelque sorte. Quand on est à Tadoussac, on voit d'ailleurs la première hutte, etc. En fait, Champlain était beaucoup plus... Mais c'est Champlain, 1608. Beaucoup plus convaincu, parce que lui, il a traversé plusieurs fois... Et il allait voir le roi, et il disait, il faut y aller. On est 70 ans plus tard, là. 70 ans plus tard, puisqu'il a découvert Québec en 1608. Mais la personnalité la plus forte des trois découvreurs, après il y a le sieur de Maisonneuve, mais le sieur de Maisonneuve était vraiment un pieux. Lui, il venait que pour Dieu et pour la foi. Chomedey de Maisonneuve. Chomedey de Maisonneuve. Mais c'est vrai que c'est Samuel de Champlain. En plus, c'était un cartographe, en plus c'était un bagarreur, il s'est bagarré avec les Iroquois et d'ailleurs il avait peur de rien et c'est celui qui est entré le plus profondément à l'intérieur du continent puisqu'il est allé jusqu'à ce qui est aujourd'hui les États-Unis, le lac Champlain, quoi, qui alors, porte son nom. Samuel de Champlain est le père de la Nouvelle-France, on peut le dire. Le père de la Nouvelle-France. Est-ce qu'ils sont encore connus, Cartier, Champlain, aujourd'hui, si on pose la question à de jeunes Québécois dans non, la rue? Si vous demandez à un jeune Québécois, Jacques Cartier va vous dire c'est le pont. Hein, ah oui, le pont ben Jacques oui, Cartier. Ben oui. Mais Champlain, ça va vous intéresser, puisque l'histoire intéresse vos auditeurs aussi. N'est-ce pas? C'est qu'il y a un mois, on a eu un débat qui est devenu très passionnel, parce que le gouvernement d'Ottawa, qui est propriétaire, enfin qui est responsable du pont, qui s'appelle le pont Champlain, qui est un des trois ponts qui traverse le Saint-Laurent, entre Montréal et la Rive-Sud. Et on a voulu le débaptiser, parce qu'on va le reconstruire, parce que le pont est en train de tomber. Et là, il y a un ministre québécois du gouvernement de M. Harper, le gouvernement conservateur, qui a décidé qu'on allait débaptiser le pont et qu'on allait l'appeler du nom de Maurice Richard, qui est l'équivalent de Zidane pour vous. Bon, Maurice Richard est un héros. Il a été le plus grand hockeyeur. Je croyais qu'il n'y avait qu'en France qu'on voyait des scandales pareils. Non, non, en France, sincèrement, en France, je ne peux pas imaginer qu'on fasse ça. Et alors donc, effectivement, on ne ferait pas ça. Mais alors là, tout à coup, dans un premier temps, il y a des politiciens, même le premier ministre du Québec a dit « Oh ben, ce serait peut-être une bonne idée parce que Maurice Richard est un dieu. » Mais là, tout à coup, c'est comme si les Québécois qui sont maintenant un peu endormis par rapport à leur combativité identitaire se sont réveillés. Et évidemment, il y a eu dans la presse tout un débat. Et là, on a renversé la situation et le ministre a été obligé... Moi, j'ai signé une chronique qui s'appelle Denis Lebel, ce ministre-là, en plus Québécois. J'ai écrit un ministre arrogant et... ignorant. Vous avez dû vous faire des amis, non, j'imagine. Non, pas du tout. Tout le monde était d'accord avec moi, sauf lui. Ouais. Mais c'est fait. On n'a pas débaptisé le pont. Le nouveau pont va certainement s'appeler Champlain. Mais ce que je veux. Et là, le président Hollande est venu à ce moment-là, et c'est là qu'il a fait ce discours fantastique au Parlement d'Ottawa. Un discours pour parler de Samuel de Champlain, pour dire que c'était le découvreur de la Nouvelle-France, c'était un des plus grands Français, et donc il est arrivé dans ce débat-là. Ouf. Et je dois dire que votre président, chez nous, il a été bien reçu et il s'est fait applaudir. C'était comme une sorte de voyage de noces chez nous pour venir chercher quand même de la reconnaissance. Ça pourrait lui donner des idées pour les prochaines élections. À moi qui décide de venir s'installer chez nous. Alain nous dit sur Facebook qu'en l'honneur de Cartier, justement, ce pont a été érigé en 1934 pour marquer donc le 400e anniversaire de la découverte de la Nouvelle-France. C'est un ouvrage magnifique, précise-t-il, de type « Quand il est vert » qui chevauche le fleuve Saint-Laurent, reliant l'île de Montréal à la rive sud. Ils vont faire une construction tout à fait différente maintenant. Ah oui, mais bien sûr. Hélas, oui, c'est sûr. Alors, ça, ce sont les pères, en quelque sorte, de la Nouvelle-France, mais ça ne constitue pas un peuple, ça. D'où viennent-ils, les Québécois? D'où viennent-ils? Eh bien, les premiers sont arrivés, évidemment, c'était d'abord des côtes. Parce que moi, mon ancêtre Bombardier vient du nord de la France, de l'île. Et pourtant, il est arrivé au 18e siècle. Mais ils se sont installés. Et quand on regarde ça rétrospectivement et que vous parliez de la température, du climat, c'était des, ça a été des surhommes et des surfemmes pour être capable de pour être capable de survivre dans des conditions extrêmes qui sont les conditions du pays. D'ailleurs, dans le dictionnaire, j'ai abordé toute la question du froid de l'hiver. Oui, bien sûr. Parce que les Québécois font comme si c'est naturel l'hiver, mais c'est pas du tout. Et à chaque hiver, on commence à partir du mois de novembre, on tombe, les gens tombent dans une sorte de dépression. C'est-à-dire qu'il y a d'abord cette espèce d'été indien qui fait croire que tout va bien. Mais ça, et ça, c'est trompeur. Ça. D'autant plus que l'été indien, qui est l'automne, est éblouissant à cause des feuilles. Et donc, voilà. C'est comme si on voulait nous faire oublier ce qui va nous arriver après. Et déjà, la semaine dernière, il faisait moins 5 à Montréal, quand même, en plein mois de novembre. Et c'est vrai que ça va jusqu'au mois d'avril. Alors donc, ce sont des gens qui se sont battus. Ce sont des gens qui étaient dans une position, évidemment, toujours en conflit avec les Indiens et qui ont survécu à toutes les maladies, et qui ont été ceux qui ont défriché le pays. Oui, bien sûr. Et qui sont remarquables. Et hélas. Et qu'on va abandonner. Oui. Alors, un de nos auditeurs, Patrick, me fait remarquer que la semaine dernière, à ce même micro, je faisais l'éloge de Louis XV. Louis XV qui, en 1763, au moment du traité de Paris, va abandonner ce que Voltaire appelait quelques arpents de neige. C'est pas très gentil, ça. Non, chez nous, Voltaire, ceux qui connaissent pas ses écrits, c'est tout ce qu'ils ont retenu. Hein, pourquoi aller se battre pour quelques arpents de neige? Mais c'est vrai que cette coupure avec la France a permis, d'une certaine façon, aux Français, aux Canadiens, maintenant c'était devenu des Canadiens, ils ont attendu, c'est un peuple aussi de patience. Alors, vous expliquez très bien dans le dictionnaire que le terme de Canadien a un sens bien particulier au Québec. Moi, à l'âge que j'ai maintenant, j'ai connu trois appellations. Oui. Ma grand-mère parlait, nous on était des Canadiens, tous les autres étaient des Anglais. La génération de ma mère était des Canadiens français, et il y avait les Canadiens anglais. Et à partir de 1960, on s'est encore débaptisé, on est fort là-dessus. Mais remarquez qu'on a fait ça avec la religion aussi. Et là, on est devenu des Québécois. Mais les Québécois, c'est un terme plus qui inclut tous ceux qui ne sont pas Canadiens français. Et oui. Et il arrive parfois que pour comprendre, c'est pour ça qu'on parle, on dit « est-ce que vous êtes un Québécois de souche ?» Et évidemment, se pose maintenant le problème avec tous les nouveaux arrivants, tous les immigrants qui nous arrivent et qui ne sont pas de souche. Parfois, on est obligé de faire des. On n'a plus de mots pour faire la différence. Hein, quand on veut expliquer pourquoi la religion est encore présente, même dans la société laïque, et au fond, il y a une sorte de transposition de notre ferveur religieuse dans la ferveur laïque. On est religieusement laïque, ce qui fait qu'on peut être aussi un peu intolérant. Eh bien, il faut dire que c'est les Canadiens français qui étaient comme ça. Donc, on est obligé de retourner. Moi, je sens le besoin parfois de parler de nous comme des Canadiens français pour expliquer que c'est ceux qui ont vécu toute cette catholicité et cette espèce d'éducation fermée et bornée de laquelle nous sommes libérés à partir de 1960. Justement, moi, pour m'être promené à Montréal, à Québec, en Gaspésie, etc., j'avais entendu parler de cette catholicité très grande, de ces familles très nombreuses, de la véritable emprise de l'Église catholique sur la société québécoise pendant longtemps, pendant tout le 19e, une partie du 20e siècle. Oui. Mais je n'avais pas pris la mesure de cette espèce de déchristianisation que vous nous décrivez là. C'est la découverte que j'ai faite en lisant votre dictionnaire, entre autres très nombreuses, mais c'est la plus importante, je dirais. Et ça a l'air d'être un phénomène fondamental. C'est qu'il n'y a pas une société dans l'histoire, à mon avis, qui s'est déchristianisée ou enfin qui a abandonné toute la culture religieuse qui était la sienne en si peu de temps. On a fait ça en moins de presque 20 ans. Mais que s'est-il passé? Vous allez. Eh bien, c'est parce que les Québécois sont... D'abord, c'est un peuple d'Amérique du Nord, n'oubliez pas. N'avons pas le poids de l'histoire. Donc, nous n'avions pas peur des risques. Parce que les Québécois ont peur des risques par ailleurs. D'ailleurs, les deux référendums l'ont bien montré. Mais c'est pour des raisons économiques. Mais là, on avait l'impression qu'on pouvait tout faire ça. On n'a pas évalué, sauf quelques intellectuels, donc Fernand Dumont, qui est un des plus grands intellectuels, qui tout de suite, au début, a compris le fait que ça se fasse si rapidement, si violemment. Et moi, je raconte dans mon dictionnaire. Moi, j'enseignais à 20 ans. J'enseignais durant un an pour des raisons financières. Je n'avais pas d'argent pour aller à l'université, donc j'allais m'en chercher. J'ai enseigné et je suis un vendredi soir, la religieuse dame de la congrégation est partie. C'était sœur Sainte-Jeanne de la Croix, si je me souviens bien. Elle est partie habillée en sœur et elle est revenue le lundi matin. Elle s'est achetée une Dodge verte, je m'en souviens, une voiture, une bagnole américaine. Elle est arrivée habillée en laïque, elle est rentrée dans sa classe, elle était prof de maths. Vous voyez bien qu'on c'est peut pas, brutal, on peut oui. pas absorber des choses comme ça. Donc tous les élèves disaient, la sœur est haute, mais la sœur est haute. Mais enfin, vous imaginez un peu le choc. Et tout a été comme ça. Et en plus, une partie de ceux qui étaient dans les curés sont sortis, ont défroqué. Et se sont reconvertis dans la fonction publique Phénomène ou dans le syndicalisme. Passionnant et dont on n'a pas pris du tout la mesure non, de ce côté-ci de l'océan. Votre dictionnaire amoureux du Québec, Denise Bombardier, est publié chez Plomb. Et dans un instant, nous allons essayer de le feuilleter ensemble pour révéler à nos auditeurs de français et de France, cette fois, un certain nombre de petits secrets sur le Québec. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. C'est le Québec qui est au cœur de l'histoire cet après-midi avec vous Franck Ferrand et votre invité Denise Bombardier, journaliste et écrivain, auteur du Dictionnaire amoureux du Québec aux éditions Plomb. Alors Denise Bombardier, il y a énormément de questions à vous poser. Juste, je sais que vous n'aimez pas ça puisque vous le dites en entrée même de votre dictionnaire, mais vous n'avez quasiment pas d'accent, vous. Ce qui n'est pas le cas évidemment de tous vos compatriotes. Cette question de langue, ça occupe 90% des relations entre Français et Québécois, il faut bien le dire. Enfin, moi, je suis une intellectuelle. Alors, moi, je ne veux pas être écoutée pour le folklore de mon langage. Et j'ai compris que, malgré tout, moi, c'est... Parce que moi, ma première langue, puisque je viens d'un milieu extrêmement modeste et en plus d'une pauvreté culturelle totale, hein, moi, je suis la première génération. Vous avez devant vous quelqu'un qui est totalement parvenu. Hein, dans tous les sens du terme, parvenu à la culture, parvenu à l'éducation, parvenu à un milieu social où il y a des créateurs, où il y a des choses, parce que je viens pas de ce monde-là. Et ma première langue, c'était le joual. Les gens que j'ai aimés, mes tantes, tout le clan autour de ma mère voulait que je parle bien, parce qu'elle disait quand on parle bien, qu'on a beaucoup de mots, on est riche. Ma mère me disait ça. Comme alors, c'est vrai. Comme alors c'est que bon. Dans mon milieu, dans le milieu en général, les gens disaient, ben, il faut faire de l'argent. Moi, ma mère disait, c'était ça qui était le plus important. Donc, c'est sûr que, et puis j'ai eu dans tous les débats sur le joual. Alors, faut dire ce que c'est que le joual, hein, oui, c'est la façon de prononcer cheval, ça, en fait. Hein. Oui, c'est une déformation du mot cheval, je l'explique, mais c'est aussi maintenant une langue, c'est plutôt la langue de Montréal, avec ce mélange maintenant avec de franglais et de mots archaïques, de jurons. Une tournure très spéciale. Et, c'est, oui. et je veux dire, ce qui arrive, c'est qu'on est obligé de sous-titrer tous nos films. Oui. Bon, et parce qu'autrement, à moins que ça soit, sauf les films de Niarcan, parce que voilà. Ça se passait dans un milieu universitaire, mais même une partie des universitaires veulent parler comme le peuple. Je crois qu'ils sont sous-titrés aussi, d'ailleurs. Oui, mais parce si qu'ils je veulent, ah, peut-être. Oui. Mais parce qu'ils veulent parler comme le peuple, ils veulent rester peuple. Il y a ce complexe de l'imposture, si on s'en sort. Quoi. Ce franc-parler, ce naturel extraordinaire qui vous caractérise. Moi, je les ai découverts chez Bernard Pivot il y a des années. Alors, Bernard Pivot sera demain l'invité de Marion Ruggieri pour la sortie de son coffret apostrophe, justement. Et il vous a réservé dans le journal du dimanche d'hier un très bel article. Et alors, j'aime beaucoup cet article parce qu'il pose toutes sortes de questions. Alors, je vais vous les reposer, moi, ces questions. Vous allez comme ça me répondre. Comment les Québécois, ça c'est une question qui demande un petit développement, comment sont-ils devenus les hommes les plus féministes de l'Occident ? Parce que le Québec est un matriarcat. Le Québec est aussi une des seules sociétés où, à une certaine époque de notre histoire, les femmes étaient plus instruites que les hommes. Parce que les femmes allaient à l'école plus longtemps, parce que les hommes, ils partaient au champ et ils partaient dans les chantiers. Donc, les femmes étaient plus instruites. Ça leur donnait un ascendant, quand même. D'ailleurs, c'est par les femmes que s'est transmise l'éducation. Quelque chose de presque un peu matriarcal chez oui, vous. Mais hein. C'est, hein, c'est ça, en mais fait. Mais c'est hein. ça. C'est ouais. Pour moi, c'est un matriarcat, voilà. Et je pense que ça explique. Et les hommes. Alors, quand le féminisme est arrivé, imaginez-vous le féminisme qui rentre dans une société qui est déjà matriarcale. J'aime autant vous dire, on contrôlait l'espace privé. Et là, évidemment, ça a débordé. Il y a des féministes radicales qui vous diront qu'on n'a pas encore d'égalité dans les salaires et tout. Mais ça, c'est autre chose. C'est idéologique. Mais fondamentalement, c'est ça. Pourquoi la ville américaine de Las Vegas est-elle la destination favorite des habitants du Québec? C'est une des destinations aux États-Unis. Quand même, les gens vont à New York. Mais oui. Las Vegas, parce que... New York est tout près. Parce que les Québécois ont le sentiment d'avoir... Et je sais qu'il y a des gens qui pensent que Las Vegas, ça fait kitsch et vraiment, c'est terrible. Mais en fait, Las Vegas, c'est le lieu où ont triomphé deux très grandes institutions québécoises, c'est-à-dire le Cirque du Soleil, qui a complètement transformé le showbiz là-bas, avec des spectacles époustouflants, avec des metteurs en scène comme Lepage, Robert Lepage, qui a monté des opéras partout dans le monde et tout. Céline Dion, je le dis, j'ai fait un ouvrage sur elle, un essai sur elle. Céline Dion, je dis, c'est comme l'électricité, c'est une richesse naturelle pour les Québécois. À quoi les Indiens Mohawks doivent-ils d'être redoutés des Blancs, surtout de ceux qui parlent français? Mais parce que les Mohawks, ils refusent de parler français. Ils sont à côté de Montréal, à Canassetaqué, et eux, ils refusent absolument de parler français. Et ils persistent et signent. Et je vous signale que les Mohawks, qui sont les descendants des Indiens, des Iroquois, ce sont les plus bagarreurs. Et tous les autres Indiens étaient en guerre aussi contre eux. C'est pour ça qu'on a fait les explorateurs, et après, par la suite, on a fait des ententes avec les Algonquins et les Hurons, qui étaient nos alliés, et ils sont restés comme ça, et maintenant une partie d'entre eux, hélas, ils sont dans le commerce des cigarettes, des armes. Oui, ça, ils se sont pour le moins recyclés. Ils habitent pas la Sicile, mais c'est un peu pareil. Pourquoi en 1978, demande toujours Bernard Pivot, la belle province, qui était l'expression qui figurait sur les plaques minéralogiques des voitures, a-t-elle été remplacée par la devise du pays, je me souviens? Mais parce que la belle province, parce que c'était l'époque où le nationalisme était très fort, et l'idée de l'indépendance du Québec. Et la belle province, c'est une expression figée. On est une belle province parmi les 10 provinces du Canada, avec les territoires maintenant. Alors donc, c'était pour affirmer autre chose, une sorte d'autonomie, et pour ne pas dire une sorte d'indépendance qui ne s'est pas concrétisée quand on a posé vraiment la question. Eh oui. D'ailleurs, Qui a été posée à deux reprises façon tout à fait. Et quand on voit formelle. Les questions qu'on posait, celle de 80, ça m'a pris deux pages dans le livre. Elle avait deux pages de long. C'est là qu'on voit qu'on ne voulait pas répondre. Personne. C'est comme les Normands. C'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est ça qui est arrivé. Moi, j'ai déjà écrit. Quand on a fini la question, c'est plus du tout de quoi il est question. On ne sait pas. Et moi, j'ai déjà écrit que les Québécois, au fond, ce qu'ils rêvaient dans les référendums, vous posez oui ou non, ils veulent voter où? Vous parliez tout à l'heure du discours du président Hollande il y a quelques semaines, mais le discours du général de Gaulle est resté dans les mémoires, celui de 1967, évidemment. Oui, ça, vive sûr. Le Québec libre. Ça a été... Et vous savez, vous avez parlé de l'abandon. Les Canadiens ont été abandonnés. Et qu'est-ce qu'il est venu dire symboliquement, la force? Et puis, n'oubliez pas une chose, c'est que des gens comme ça, on le voit bien maintenant, par la suite, ça se perpétue pas, des gens de la stature du général de Gaulle. Donc, il est venu dire, eh bien voilà, je suis le père, n'est-ce pas? Et je viens vous dire, mes enfants, que je vous reconnais et que je vous ai toujours aimé. Il y a eu une sorte de charge et symbolique très, très, très forte. Et ce qui a été très ulcérant pour les Québécois, en particulier pour ma génération, c'est de voir à ce moment-là, il y a eu une époque, il y a eu un backlash ici en France. On l'a traité, on a dit qu'il commençait à être sénile et tout. Et tous ces arguments étaient repris en Angleterre, au Canada anglais, aux États-Unis. Et pour nous, ça a été une période très, très difficile. On n'a pas compris que des Français, parce qu'ils étaient de gauche par rapport à De Gaulle, donc ils n'ont pas compris au-delà de ça ce qu'il avait fait. Mais ça a marqué. Et puis, en plus, ça nous a vraiment fait connaître à la grandeur de la planète. Les Québécois, dites-vous dans l'avant-propos de votre dictionnaire, ne pensent pas comme les Français. Leur langue, plus directe, plus drue, plus brutale aussi, rend compte d'une autre éthique. Est-ce que tout simplement, on ne pourrait pas parler d'un naturel extraordinaire, dont vous êtes d'ailleurs l'incarnation? Oui, mais c'est vrai qu'il y a une autre éthique, mais moi je y crois parce que... Mais aussi, nous on a été tempérés par le climat, mais aussi par les Anglo-Saxons, n'est-ce pas? Et c'est sûr que nos règles sont un peu différentes, bien que récemment, on a été aussi pris dans des trucs de corruption incroyables. Alors donc, on est en train de redevenir français, peut-être un peu. redevenir français peut-être un peu. Merci infiniment, Denise Bombardier, d'être venue nous parler de votre dictionnaire amoureux du Québec, qui, comme tous les dictionnaires amoureux qui se respectent, est publié chez Plon. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Franck. Il s'interroge sur notre page Facebook. Il dit que, comme des millions de personnes, il utilise tous les jours le papier pour imprimer des documents. Et il s'est souvent demandé à quoi correspondaient les classifications, les formats A4. Pourquoi est-ce qu'on dit A4, A3, A2, etc. Et bien, ces formats, ils ont été conçus. D'abord, il faut bien comprendre ça. Pour que la proportion de la feuille soit toujours la même. Si vous pliez la feuille en deux, vous allez toujours avoir les mêmes proportions. Celui qui s'est rendu compte de ce phénomène, c'était Léonard de Vinci, qui a calculé qu'il fallait pour ça que la longueur et la largeur doivent être égales, le rapport de l'un sur l'autre doit être égal à la racine carrée de 2. Donc, à partir du moment où vous avez ce rapport à la racine carrée de 2, eh bien, vous pouvez plier votre feuille X fois, elle aura toujours exactement le même format, si vous voulez. Alors, à partir de là, on a des formats de base. Donc, le grand format, c'est le plus important, le plus répandu, c'est effectivement la feuille dite A0. Alors, ce format A0, quand vous le coupez en deux, il donne une feuille A1. Si vous le repliez encore en deux, il donne une feuille A2, etc. Puis A3, A4, A5, hein, tout simplement. Donc vous avez presque une numérotation à l'infini. Mais il n'y a pas que la base A. C'est ça qu'il faut, il faut peut-être dire. Nous sommes habitués, nous, dans les bureaux, à utiliser ces formats A3, A4, parce que bon, ce sont les plus répandus dans le monde, mais il existe également les formats B2, B3, B4, B5, les formats C2, C3, C4, C5. Tous les éditeurs, notamment, connaissent ça par cœur, parce qu'évidemment, eux travaillent à partir de formats généralement B1, C1, qui sont de beaucoup plus grandes feuilles au départ, bien sûr. Alors, pour connaître l'origine de ces formats, il faut remonter à l'entre-deux-guerres, s'intéresser à l'Institut allemand pour les normes, hein, le DI. C'est l'ingénieur Walter Forstmann en 1922 qui a élaboré la première norme et plus tard, en 1947, l'Organisation internationale de normalisation que vous connaissez sous le nom de ISO, avec les normes ISO, vous savez, eh bien, va constituer un comité papier qui va charger un de ses sous-comités d'étudier les dimensions internationales des papiers et l'ISO va reprendre la norme allemande qui d'ailleurs porte un nom officiel. Eh bien, je vais vous l'apprendre parce qu'on n'en parle pas tous les quatre matins de cette norme. C'est la norme ISO 126. Figurez-vous. ISO 216. Ne confondons pas. Nous devons attendre 1967 pour que ces dimensions apparaissent en France et afin d'éviter de payer la taxe sur ces formats de papier, les imprimeurs français, dans un premier temps, avaient refusé d'utiliser la norme internationale.